troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des parfums et des odeurs. Aujourd'hui, le métier de parfumeur entre 18e siècle et 20e siècle. Après nous être promenés hier dans l'exposition Parfums de Chine, une émission que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site de France Culture, nous allons évoquer ce matin l'histoire des parfumeurs. Comment s'est créé ce métier spécifique au cours du 19e siècle? Quels ont été les acteurs du passage au stade industriel de la parfumerie? Quel rôle ont joué les expositions universelles, par exemple, dans la promotion de cette même parfumerie? Et comment les nations européennes se sont-elles combattues pour gagner cette bataille des parfums? C'est ce que nous allons voir dans cette émission qui sera co-animée par Séverine Niattard, et grâce à des textes qui seront lus par Elsa Dupuis, nous avancerons entre 18e et 20e siècle, donc avec nos deux invités, avec Eugénie Briot, elle est responsable des programmes de l'école de parfumerie Givaudan, et elle est l'auteur de La fabrique des parfums, naissance d'une industrie de luxe chez Vendémiaire. Et nous aurons aussi au téléphone avec nous Rosine Lheureux, elle est archiviste paléographe, et elle vient de publier, c'était chez Champvallon, je crois que c'est l'année dernière, Une histoire des parfumeurs, France 1850-1910. Le parfumeur, perdu dans ses combinaisons, méditait en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l'huile de Macassar. Il raisonnait ses étiquettes, la forme de ses bouteilles, calculait la contexture du bouchon, la couleur des affiches. Et l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le commerce. Newton ne fit pas plus de calculs pour son célèbre binôme que Birotteau n'en faisait pour l'essence comagène. Car l'huile redevint essence. Il allait d'une expression à l'autre sans en connaître la valeur. Toutes les combinaisons se pressaient dans sa tête. Et il prenait cette activité dans le vide pour la substantielle action du talent. Et nous commençons donc cette émission d'archives par un texte lu par Elsa Dupuis, tiré de César Birotteau d'Honoré de Balzac, un texte de 1837 qui peint en fiction justement le portrait d'un parfumeur, César Birotteau. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Bonjour à vous Eugénie Briot. Bonjour. Et bonjour à vous Rosine Lheureux, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour. Alors, ce personnage de Birotteau, vous en parlez l'une et l'autre dans vos deux livres, donc Rosine Lheureux et l'histoire des parfumeurs chez Champvallon, et vous, Eugénie Briot, La fabrique des parfums, parce que tout compte fait, c'est peut-être la vertu d'un texte de fiction que de nous introduire justement à un nouveau métier qui naît entre la fin du 18e et le milieu du 19e siècle, en l'occurrence, Eugénie Briot. Oui, exactement, et en particulier sous la plume de Balzac, hein, qui se fait un devoir de rendre au plus près la réalité du métier de parfumeur à l'époque. En réalité, le parfumeur qu'il décrit est un parfumeur vraiment des années 1820 plutôt que de la fin des années 1830. Quelle est la différence ? Comment peut-on se dire, tiens, celui-ci ? L'action, du coup, se déroule vraiment plutôt dans les années 1820, mais on voit déjà chez lui poindre tous les ressorts qu'on appellerait aujourd'hui marketing, qui se mettent en place et qui font évoluer tout au long du siècle la profession de parfumeur vers quelque chose de nouveau. Le parfumeur du début du 19e siècle, c'est un homme orchestre. Il doit aussi bien s'occuper de l'approvisionnement en matières premières, que ce soit celles qui entrent dans la composition des parfums, mais même des bases même de ces parfums. Ici, on voit qu'il parle de son huile comagène, de son essence comagène selon les termes qu'il emploie. Cette essence, il va essayer de se procurer l'huile de noisette qui permet de la fabriquer, etc. Donc son travail de parfumeur est un travail de commerçant et ça va vraiment de l'approvisionnement en matières premières, quelle qu'elle soit, jusqu'à imaginer le produit tel qu'il va être lancé sur le marché. Donc c'est une palette très vaste d'activités. C'est le milieu social, alors peut-être Rosine Lheureux, parce que vous avez étudié plusieurs de ces parfumeurs de la première génération. Il vient d'où ce premier parfumeur? Il peut être issu d'un milieu assez modeste, être apprenti et apprendre le métier sur le tas à Paris, j'ai cru comprendre. Ou par exemple comme Guerlain, issu d'un milieu par exemple beaucoup plus aisé, et partir faire des études de chimiste en Angleterre. Oui, c'est ça. Alors, Guerlain est un peu particulier parce qu'il se positionne très rapidement sur le luxe et il met en exergue effectivement ses capacités à faire des compositions chimiques originales. Et il draine tout de suite une clientèle très chic. Mais les autres, en fait, sont plutôt des gens qui peuvent être effectivement d'origine modeste et qui font un apprentissage très long, exactement comme César Birotto, qui du reste a été inspiré par Pivert, qui était un voisin de Balzac, en fait, et pour qui Balzac a d'ailleurs édité des prospectus et fait des choses. Et également Lubin, la famille Lubin. Mais Lubin, par exemple, c'était un vétéran de l'Empire, le père Lubin, et son fils entre en parfumerie, voilà. Donc il y a différents milieux, effectivement, du plus modeste au plus, disons, un peu plus aisé. Les Guerlain n'étaient pas forcément non plus extrêmement riches au départ. Oui, et cela veut dire qu'il y a plusieurs générations de types de parfumeurs. Vous avez cité des noms, Pivert, Gelé, on peut rajouter Pinot, Guerlain. Donc, qui sont ces générations du premier 19e siècle, en l'occurrence Rosine Lheureux, qui se distinguent de ceux qui vont arriver un peu plus tard, au milieu du siècle et plutôt dans les années 1860. Qu'est-ce qui les distingue au bout du compte de ce qui arrivera donc à partir de la moitié du 19e siècle? On a l'impression que durant la deuxième moitié du 19e siècle, les parfumeurs saisissent de plus en plus d'opportunités de faire fortune très vite. La fortune arrive aussi pour la première génération, mais elle est peut-être plus classique, disons, plus lente à construire. Et quand j'évoque les maisons Pinot, par exemple, il y a aussi Oubidon, etc. Il y a certaines maisons, en fait, ont traversé la Révolution française. Donc, les nouveaux parfumeurs, disons, ils arrivent vers les années, effectivement, 1830, et de manière plus opportuniste, on va dire, vers 1860, puisque en 1860, certaines familles prennent des affaires relativement modestes et les font fructifier extrêmement vite. Et des familles qui arrivent parfois de très loin de la parfumerie, pour le coup, qui n'ont pas d'apprentissage préalable. Par exemple, la famille Millot, il s'agit d'un couple dont le monsieur est comptable, en fait, et ils reprennent une affaire qui marche bien. Roger Gallet en est un exemple parfait, puisqu'en 1860, il rachète, en fait, une fabrique d'eau de Cologne, la fameuse eau de Cologne Jean-Marie Farina. Et, en fait, l'un est banquier et l'autre est négociant. Ce sont des bourgeois de province qui ont une certaine aisance, les Roger et les Gallet. Oui, donc on finit par investir Eugénie Brio parce que cela rapporte d'une certaine façon et pas simplement parce qu'on est né dans ce milieu ou qu'on a grandi dans ce milieu comme c'était le cas auparavant, Eugénie Brio. Exactement. Et si ça devient possible à ce moment-là de l'histoire du 19e siècle, c'est parce que le marché est beaucoup plus dynamique et qu'il s'est développé, parce que le monde a changé autour, que les injonctions autour de l'hygiène sont différentes et que la consommation s'est énormément étendue. Oui, évidemment, il y a aussi des inventions nombreuses qui permettent justement à de nouveaux parfumeurs de voir le jour. Un extrait de la revue Le Bon Ton en mars 1841. Entrez avec moi dans le laboratoire de Guerlain et regardez autour de vous. Ici, l'oléine émulsive, la lotion de Gowland pour rafraîchir, adoucir et rendre l'éclat à la peau. La conserve de mets, le cold cream, la crème de limaçon, de concombre pour faire disparaître les rougeurs et toutes les inflammations de la peau, les irruptions de sang, les efflorescences, etc. Puis voici des eaux balsamiques qui joignent un suave parfum à leur hygiénique influence. Voilà des pommades préservatrices pour votre chevelure, pour vos dents, des élixirs, des opiats conservateurs. Voilà enfin des préparations de toutes sortes qui chacune ont une propriété particulière, qui chacune répondent à un besoin et viendront réparer tout dommage causé par l'âpreté de l'hiver ou la multiplicité des veilles et des plaisirs. Mille fois soit béni Guerlain et sa divine science. Voilà un texte de 1841. Qu'est-ce qui sépare ce dont on parle là de la pharmacie, par exemple, Eugénie Brio? Est-ce que c'est si différent ou est-ce que ça va se séparer plus tard? ces métiers ? Alors, le parfumeur du 19e siècle est l'héritier des corporations d'Ancien Régime. Et parmi ces corporations d'Ancien Régime, plusieurs vendaient des produits qui peuvent être assimilés à des produits parfumés. Les pharmaciens, les apothicaires en faisaient partie. Donc finalement, il y a quand même une certaine porosité en termes d'assortiment entre le parfumeur, l'apothicaire, le barbier. Parfois, on peut trouver quelques accessoires de beauté comme des peignes, des brosses chez certains parfumeurs. L'assortiment lui-même n'est pas complètement constitué autour des seuls produits parfumés, que ce soit les eaux de toilette ou les cosmétiques. Les cosmétiques sont très présents dans la description qui vient d'être faite du laboratoire Guerlain. Et Guerlain est présenté comme un scientifique plutôt que comme un commerçant. César Birotteau était un commerçant. Là, c'est vraiment ces compétences cosmétiques qui sont mises en avant. Et ce centrage de l'assortiment sur le cosmétique permet aussi de le légitimer dans une société où finalement le parfum en tant que tel peut encore être associé à un produit nimbé d'une aura un peu sulfureuse. Et finalement, avoir recours à un produit d'hygiène parfumé, c'est une caution morale qu'on donne à ce produit. On va l'utiliser surtout pour être propre, pour satisfaire aux critères et aux normes de l'hygiène de l'époque et pas pour sentir et séduire de façon très sensible son entourage. Et cependant, ça devient quand même un signe de distinction sociale. Hein, il y a l'odeur des bourgeois et l'odeur de la classe ouvrière, par exemple, clairement, au XIXe siècle. Exactement. La propreté, l'hygiène sont des critères de distinction sociale. Et le savon, c'est un petit peu... au XIXe siècle, l'instrument civilisateur qui va hisser le bourgeois au-dessus du peuple parce qu'il répond à des critères d'hygiène différents et qu'il se fait une vertu, en fait, d'entretenir cette hygiène. Et à travers ce texte, on voit bien aussi, Rosine Leroux et Eugénie Brio, la question alors de la chimie, le parfumeur chimiste. Pourquoi chimiste ? Parce que il va y avoir des découvertes et des progrès incroyables au niveau, justement, à la fois de l'extraction du parfum, la distillation, des procédés de distillation, parce qu'il faut dire qu'il y a une ville importante à citer, Rosine Leroux, Grasse. À Grasse, on produit la matière première. On y fabrique du produit semi-fini qui ensuite va être retransformé, mis en flacon, présenté, vendu à Paris. Et de nouveaux procédés justement de distillation, d'extraction de ces senteurs apparaissent peu à peu au cours du 19e siècle, Rosine Leroux. Alors en fait, il y a donc au 19e siècle, il y a deux pôles à la parfumerie, il y a Paris et Grasse, et puis un troisième va s'ajouter au cours du siècle dans la région lyonnaise, en fait, pour la chimie synthèse. Donc en fait, on améliore donc les procédés d'enfleurage. Donc, à froid, puis à chaud, on améliore les procédés de macération. Allô ? Oui. De distillation. C'est bon. De distillation. Il y a des parfumeurs extrêmement inventifs. Donc, la parfumerie est faite d'adaptation. Donc, beaucoup de ces parfumeurs brevettent également des appareils qu'ils adaptent de la parfumerie ou d'autres sciences. Par exemple, comme la boulangerie pour des moulins à fabriquer de la poudre. Mmh. Donc, en fait... par exemple, le parfumeur Alphonse Pivert fait breveter une dizaine d'appareils, en fait, durant son existence, extrêmement important. Et il y a également beaucoup d'améliorations dans la fabrication des savons. Parce que pour asseoir leurs revenus, les parfumeurs, la plupart sont évidemment fabricants, généralistes, et le savon est fabriqué avec un très faible coût de revient. Donc la plupart d'entre eux, évidemment, fabriquent des savons pour lesquels les procédés sont mécanisés durant 50 ans à la fin du 19e siècle, et on a des gains de fabrication considérables qui font que le coût de revient d'un savon revient à presque rien. Oui, et cela, évidemment, ça tient aussi à l'usage de la glycérine, à de nouveaux procédés comme le procédé Solvay, Rosine Leroux, c'est cela ? Voilà, alors, il y a le procédé Solvay, la glycérine, donc dont notamment Gelée, c'est une spécialité, puis qui travaille avec un chimiste très tôt qui s'appelle Devers et qui dépose en fait un certain nombre de brevets et de marques sur des produits à la glycérine. Et il y a également donc les procédés donc d'extraction donc au solvant par solvant volatile, dont Eugénie peut également, je pense, parler, voire même peut-être mieux que moi. Et puis également l'éclosion de la chimie donc organique et puis de la chimie de synthèse. Oui, et tout cela, évidemment, transforme dans la deuxième moitié du 19e siècle tous ces produits de parfumerie. On écoute un texte lu par Elsa Dupuis, tiré du livre des parfums de 1870, signé Eugène Rimmel. Et justement, c'est la question d'une rivalité internationale autour de ce produit, le savon. Les savons allemands sont presque tous très mauvais. Se fabriquant avec l'huile de coco qui leur procure une surface marmoréenne et une mousse abondante, mais qui laisse sur la peau une odeur infecte. Nous qui sommes doués, malheureusement dans certains cas, d'un odorat très sensible, nous pouvons facilement reconnaître à un mètre de distance les mains qui en ont fait usage. On s'étonnera peut-être que les Allemands persistent à employer une huile aussi fétide, mais c'est qu'elle a l'avantage d'absorber deux fois autant d'alcali qu'un autre corps gras, et on peut ainsi produire des savons à moitié prix des autres. Il est vrai qu'il s'use deux fois plus vite, ce qui revient absolument au même. Alors, on vient d'entendre ce texte du livre des parfums, 1870, d'Eugène Rimmel, Eugénie Briot. Là, on voit bien qu'il y a une bagarre internationale autour de la suprématie sur le savon, mais aussi sur le parfum. Cette bagarre a commencé au XVIIIe siècle avec la savonnerie anglaise, c'est cela, et elle continue tout au long du XIXe, avec là, en l'occurrence, ce caractère infect des savons fabriqués grâce à l'huile de coco par les Allemands de l'autre côté du Rhin. Voilà, c'est une guerre qui s'étend vraiment sur toute la durée du XIXe siècle et qu'il est très amusant de suivre parce que l'ennemi change, l'ennemi évolue en fonction Il y a une géopolitique du savon et du parfum. Complètement, une géopolitique du savon et du parfum. Évidemment, les tensions internationales sont là pour appuyer les tensions sur le front cosmétique. Donc on observe au début du siècle une rivalité plutôt avec l'Angleterre parce qu'effectivement, suite à la Révolution française, la parfumerie française a perdu un petit peu de sa suprématie. Mmh. Et c'est le savon anglais qui domine, qui est à la mode. La savonnette parfumée anglaise a beaucoup de succès, même en France. Donc c'est une période douloureuse pour les parfumeurs français. C'est la période de la domination anglaise. Voilà, mais petit à petit, il regagne du terrain, sur le terrain de la savonnerie d'une part, sur celui de la parfumerie plus encore. La suprématie française s'installe quand même de façon assez notable au XIXe siècle, mais il faut quand même veiller à conserver son précaré et lutter pied à pied contre toutes les attaques possibles. Donc, l'attaque du savon allemand intervient en particulier au moment de la guerre de 1870, avec beaucoup de cruauté de la part de Eugène Rimmel, qui est lui-même un parfumeur anglais. Donc il est amusant aussi de voir comment les alliances peuvent se former entre l'Angleterre et la France contre le savon allemand. Et à cet égard, les rapports d'exposition universelle sont aussi très amusants à lire parce que ce sont exactement les mêmes qui sont visibles. Et là, la charge est lourde puisque, en plus du mauvais goût, qui est quand même... Et de la mauvaise odeur. Et de la mauvaise odeur, qui est la marque de ces savons allemands. On peut taxer les producteurs allemands de malhonnêteté, puisque le savon fond extrêmement vite. Donc c'est quand même un double reproche très lourd qui est fait à ces savons. Cela dit, c'est aussi une époque où les tensions au-delà du savon, s'exerce autour de l'eau de Cologne, dont la nationalité est débattue, et puis également autour des premiers corps odorants d'origine synthétique, les premières molécules de synthèse. Et là, la France exprime à travers les savons sa crainte concernant aussi ces deux autres terrains. D'autant, Eugénie Briot, qu'en fait, la chimie allemande est bien en avance, justement, sur la création de parfums synthétiques, et la France le sait, évidemment. Alors, la chimie allemande est très en pointe sur ces sujets-là. Les Français, évidemment, les parfumeurs français ne seraient absolument pas d'accord avec cette position. Et puis, de fait, certains chimistes français sont aussi très présents sur ce front des synthétiques. Je pense en particulier à Georges Delerre, qui a fondé les Fabriques Delerre en 1876 et qui propose dès le dernier quart du 19e siècle la vanilline, puis les ionones, donc qui fabriquent des corps de synthèse très importants pour les parfumeurs. Cela dit, dans un climat de tension entre la France et l'Allemagne, en permanence, les craintes des parfumeurs et des chimistes français s'expriment et en permanence, on repousse l'ennemi pour conserver sa suprématie. Oui, et cette géopolitique s'exerce évidemment dans le domaine du savon, vous venez de le dire, mais aussi dans le domaine d'un produit dont on ne sait d'où il est originaire. Est-ce l'Italie, est-ce l'Allemagne ou est-ce encore la France? Évidemment, il s'agit de l'eau de Cologne, un texte lu par Elsa Dupuis. La maison Roger et Gallet en parle dès 1878. Nous croyons enfin devoir rappeler que, contrairement à l'opinion de quelques personnes, la réputation de l'eau de Cologne Jean-Marie Farina n'est pas allemande. Elle est toute française. Et elle date du moment où notre prédécesseur, M. Jean-Marie Farina, est venu se fixer à Paris, rue Saint-Honoré 247, au commencement de ce siècle. Les produits qui entrent dans la fabrication de l'eau de Cologne, plantes aromatiques distillées après infusion dans l'esprit de Montpellier, sont tous français. Le mot « eau de Cologne » est resté en français dans toutes les langues, à Cologne même. N'est-ce pas la preuve que la réputation de ce produit est bien due à la maison Jean-Marie Farina de Paris et qu'elle est bien française et non prussienne ? Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et voilà un texte de 1878 qui en oublie Rosine Lheureux, une origine peut-être plus lointaine et plutôt italienne du côté de Santa Maria Novella en Italie et à Florence en particulier, non, de cette haute Cologne qui, par accident peut-être ou par destination, s'est trouvée française selon la maison Roger et Gallet, qui est l'héritière justement de cette haute Cologne Jean-Marie Farina installée au début du 19e siècle à Paris. Oui, alors en fait, Jean-Marie Farina rachète un fonds, le fonds de la maison Colas, qui a lui-même en fait racheté sans doute les marques Jean-Marie Farina dites originelles. En fait, il y a à Paris peut-être 3 ou 4 maisons qui ont une légitimité à fabriquer de l'eau de Cologne Jean-Marie Farina, puisque donc ce qui s'est passé, c'est que donc cette Cologne a migré, va-t-on dire, vers l'Allemagne, vers Cologne, et où à Cologne se trouve un certain nombre de Farina, dont certains n'ont d'autres activités professionnelles que d'être des prête-noms et vendent leur nom pour que des contrefacteurs éventuellement, ou des imitateurs, ou des parfumeurs, fabriquent de l'eau de Cologne. Ah oui, on est donc, déjà dans la contrefaçon à ce moment-là. En fait, l'eau de Cologne Jean-Marie Farina est emblématique de la contrefaçon. Et j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs procès intentés par Roger Gallet pour contrefaçon, qui sont plus ou moins légitimes, puisqu'en fait, Roger Gallet se prévaut durant 50 ans, ou un peu plus, 60 ans, de faire rendre gorge à tous ses concurrents. Certains tout à fait légitimes, d'autres tout à fait illégitimes, puisque la contrefaçon en parfumerie peut commencer par la fabrication d'étiquettes, par exemple. Mm-hmm. Donc il y a des contrefacteurs de Cologne, comme d'autres parfums du reste, qui sont simplement à coquiner avec des imprimeurs, en fait, et qui font faire des flacons qui sont contrefaits. Donc l'eau de Cologne Jean-Marie Farina est ce produit emblématique. Il y a donc beaucoup d'humour autour de ce nom, puisqu'en fait, des humoristes et des parfumeurs ironisent sur le fait qu'il y a une centaine de Jean-Marie Farina rien qu'à Paris. C'est effectivement, ça. Ce qui est vrai, y compris et à Cologne tout autant. Roger Gallet arrive à la fin du siècle à faire rendre gorge à une bonne trentaine de maisons, en fait, dont certaines étaient légitimes à fabriquer, d'autres pas du tout. Et à la fin, il reste quasiment seul. Seul. D'ailleurs, vous trouvez encore actuellement 2 autres colonnes, celle Jean-Marie Farina, faite par Roger Gallet, et celle qui s'appelle 1663, enfin, j'ai peur de confondre avec la bière, on va dire ça n'est pas la bière, ouais. Qui est en fait une autre colonne, qui est la seule maison qui a pu subsister aux côtés de Jean-Marie Farina, parce que celle-ci n'était pas... Aux côtés de Roger Gallet, oui, c'est légitime. Ça. Voilà. Eugénie Briot, c'est quand même très intéressant, parce qu'on voit bien que l'enjeu est énorme à partir d'un certain moment. Pour qu'on fasse des procès à tout le monde, comme l'a fait à ce moment-là Roger Gallet pour faire disparaître toute la concurrence, c'est parce que simplement, eh bien, le parfum descend dans l'échelle sociale. Il n'y a pas simplement que les nobles ou les très grands bourgeois qui emportent. Désormais, on va progressivement adapter le parfum à cette massification qui va être en cours à la fin du 19e au début du 20e siècle. Exactement, et en particulier l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, c'est un produit qui devient très accessible finalement au 19e siècle. C'est la première façon de se parfumer à base de parfumerie alcoolique. On peut se parfumer à travers les cosmétiques, le savon, les produits capillaires qui sont extrêmement nombreux au 19e siècle. La femme ne peut pas se maquiller, ce n'est pas admis socialement qu'elle se maquille de façon très visible. Donc le soin est reporté énormément sur le cheveu avec des huiles capillaires, des pommades capillaires, énormément des lotions capillaires, énormément de produits qui sont tous des produits parfumés. Et puis dans le champ de la parfumerie alcoolique, on trouve l'eau de Cologne qui sert à parfumer l'eau dont on se sert pour la toilette ou à soigner des maux bénins. Et cette eau de Cologne, elle devient un produit vraiment très répandu et un des instruments clés de cette hygiène que l'on cherche à gagner au 19e siècle pour se distinguer socialement. C'est vraiment un siècle où des politiques publiques sont mises en place pour civiliser, entre guillemets, les classes laborieuses qui sont assimilées aux classes dangereuses en un siècle de nombreuses révolutions. Et petit à petit, les gagnants ont des gestes d'hygiène à travers l'école, à travers l'armée. Et ces gestes d'hygiène passent par le savon ou par l'eau de Cologne, dans un degré de fortune un petit peu plus élevé, et puis l'eau de toilette ou les extraits quand on est vraiment plus fortuné. Et c'est une industrie effectivement plus que florissante et qui va le devenir plus encore au cours du siècle, puisque vous citez les chiffres en 1810, donc le commerce de la parfumerie c'est 1,8 million de francs, et en 1900, on passe à 80 millions, pour passer ensuite en 1912 à 100 millions. Donc on voit les enjeux aussi concurrentiels justement avec certains autres pays producteurs, Génie Briot. Oui, on voit que le marché s'est énormément étendu. Le nombre de parfumeurs aussi implantés à Paris s'est accru tout aussi significativement. Et donc parmi les enjeux qui se dessinent à la fin du siècle, il y a aussi l'enjeu de la marque. Et c'est vrai que autour du cas de l'eau de Cologne Jean-Marie Farina, en creux, on peut lire tous les enjeux de marque, parce que la marque, c'est un petit peu la signature de la qualité du produit, bien sûr. Et si tous les parfumeurs veulent s'appeler Farina, c'est pour posséder cette caution, cette signature, dans un climat où le marché est certes très porteur, mais aussi plus concurrentiel, c'est vrai. Oui, et Rosine Lheureux aussi, il est concurrentiel au niveau mondial, parce que les expositions universelles, vous le racontez ainsi que Génie Briot, l'une et l'autre dans vos deux livres, donc Une histoire des parfumeurs, Rosine Lheureux et La fabrique des parfums pour Génie Briot, eh bien, ces expositions universelles tiennent un grand rôle de propagation de la parfumerie française, en particulier à l'étranger. Alors, on se parfume français à New York, on se parfume français à l'autre bout du monde, et les expositions universelles tiennent de lieu de vitrine de cette parfumerie française tout au long des années 1860-1900. Oui, alors les expositions universelles, c'est un petit peu l'histoire de la longue émancipation des parfumeurs pour accéder réellement au rang de profession légitime et reconnue. Donc en fait, elles commencent dès les premières expositions industrielles de 1820-1830. Et là, à cette date, la parfumerie est confondue avec la savonnerie et les maisons qui sont récompensées le sont pour leur savon. Et ce n'est que lors de l'exposition, donc des expositions de 1860 puis de 1800, l'exposition surtout universelle de 1867, que là, les parfumeurs se constituent en classe. Et ce qui les sauve un petit peu et qui les affranchit, c'est qu'ils sont rattachés, comme selon une oscillation très fréquente que l'on retrouve aussi dans les ressortements industriels, à la section des accessoires en fait et de l'habillement. Mais ça les sauve en fait, et ils peuvent s'émanciper de la chimie. Et là en fait, il s'agit durant les expositions universelles, donc des 1867, 1889, 1878, pardon, 1889 et 1900, de s'affranchir lentement et de réellement s'émanciper, donc en conquérant de plus en plus d'espace déjà, en faisant des salons de plus en plus beaux, en évinçant aussi les parfumeurs qui n'en sont pas vraiment, qui ne sont pas dignes de figurer au rang de la grande parfumerie parisienne, donc notamment les parfumeurs de province, par exemple en augmentant considérablement les taux de location des stands, en interdisant la vente également dans les stands, en s'affranchissant également de tout ce que l'administration veut coller aux parfumeurs, c'est-à-dire des fabricants plus ou moins, disons, sérieux, de produits justement de spécialité en fait. Donc les spécialistes du coup de dentifrice, voire de teinture capillaire, se retournant vers la pharmacie. Et puis également en tenant un double langage autour de la parfumerie chimique, puisque pendant jusqu'en 1900 d'ailleurs, on exclut de la section des parfumeurs, en tout cas pour les expositions qui ont lieu en France, les parfumeurs chimistes de synthèse, alors que tous les grands parfumeurs en 1900 utilisent déjà et ont déjà des lignes maîtresses de leur maison qui sont des lignes à base de parfumerie de synthèse. Et il y a aussi un autre fait qui va changer, redistribuer les règles du commerce, c'est aussi l'arrivée des grands magasins. Parce que là, on a l'impression qu'on parle beaucoup des parfumeurs, le parfumeur commerçant qui s'installe, qui installe sa boutique, qui fabrique son parfum, son flacon, son étiquette, qui procède à sa publicité. Mais l'arrivée des grands magasins fait aussi qu'il va y avoir une parfumerie à deux niveaux, d'une certaine manière, Rosine Lheureux. Alors tout à fait. En fait, les parfumeurs ont des magasins qui évoluent de plus en plus, les grands parfumeurs parisiens, de plus en plus vers le salon. En fait, le salon où on vient, disons, discuter plus que commercer, en fait, et où il faut se montrer. Et puis parallèlement, se développent des grands magasins spécialisés en parfumerie, disons, articles de Paris parfois, et puis brosseries effectivement, et petits articles liés à la parfumerie. La plus grande de ces grands magasins, ce sont les galeries de la Porte Saint-Martin, qui sont un très grand magasin, un vaste bazar de la parfumerie, en fait, un petit peu comme les anciennes actuelles qu'on peut connaître, en moins chic, où les parfums sont vendus avec des décotes du simple au double. Par exemple, l'eau de Lubin qui coûte 2,50 francs dans son salon coûtera 1 franc, en fait, à la parfumerie des Galeries Saint-Martin. Et puis, il y a également des grands magasins généralistes tels que nous les connaissons, le Bon Marché, la Samaritaine, etc. Mais certains viennent assez tard à la parfumerie et ils y viennent surtout au travers, en fait, des articles de voyage pour beaucoup d'entre eux et des coffrets d'étrenne. Seule la Samaritaine a un véritable stand de parfumerie pour lequel d'ailleurs fabrique Roger Gallet, sous la marque La Samaritaine, fabrique certains produits. Mais beaucoup de ces grands magasins viendront à des stands de parfumerie plus étoffés plus tard. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les expositions universelles. Au moment de celle de 1900, eh bien, on évoque la question de l'odeur et de l'hygiène dont nous parlait tout à l'heure Eugénie Brion. On reviendra avec elle sur cette question à partir d'un prospectus qui vante les vertus de l'anhydrosine du docteur LT. Il faut sentir bon et voici pourquoi. Vous qui transpirez sous les bras, émettez rapidement par là vos vêtements hors d'usage, affichant d'ailleurs ainsi aux yeux de tous une infirmité inélégante. Vous qui transpirez des pieds, avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent, l'odeur insupportable, la macération et les meurtrissures de l'épiderme rendant la marche des plus pénibles, le froid aux pieds continuel, source de rhume et de laryngite qui s'éternise, servant par là de porte d'entrée à la tuberculose. Vous qui avez toujours les mains moites et froides, baignées qu'elles sont d'une humidité intarissable et en éprouvez parfois de sérieuses difficultés dans l'exercice de votre profession. Vous, enfin, qui constatez avec peine que des senteurs malodorantes se dégagent le soir de votre personne dès que vous avez marché un peu dans la journée et que la sueur s'est accumulée et a fermenté dans les plis du corps. Vous ne serez plus excusable de conserver davantage une infirmité aussi pénible, aussi pernicieuse et aussi désagréable tant pour vous que pour les autres. L'anhydrosine, qui s'emploie en lotion, est d'un usage idéalement commode. Un simple badigeonnage matin et soir pendant 2 ou 3 jours, avec un liquide incolore, séchant instantanément, ne tachant pas le linge, d'une odeur très agréable et ne laissant après lui qu'un parfum suave. Suavité du parfum contre odeur insupportable, pourrait-on dire, c'est ce prospectus qui vante les vertus de l'anhydrosine du docteur LT en 1900. Eugénie Brio, vous nous parliez tout à l'heure de cette question de l'hygiène et aussi de cette classification sociale selon l'odeur que l'on donne autour de soi. Eh bien, c'est exactement ce que raconte ce texte en 1900. C'est exactement ce que raconte ce texte en stigmatisant de façon extrêmement forte la personne qui promènerait dans la meilleure société une odeur insupportable et qui se distinguerait du coup négativement du reste de la classe à laquelle elle est censée appartenir. Donc il y a ce ressort de la stigmatisation qui joue et qui joue maintenant sur l'odeur. Alors il y a encore quelques références au visuel qui interviennent, mais on voit que le critère de l'hygiène s'est déplacé du plan visuel, ce qui était le cas depuis la Renaissance, à travers la blancheur du vêtement, etc., le changement de linge qui était très important, au plan olfactif. olfactif. Et ce critère olfactif, il va dominer jusqu'aux années 1990, donc jusqu'à une période très récente finalement. C'est ce critère de l'odeur qui va distinguer la meilleure société, le bourgeois, l'aristocrate, des classes sociales les plus laborieuses et donc du coup transpirantes et malodorantes. Et évidemment, pour nos auditeurs, on peut évidemment que conseiller de lire Le miasme et la jonquille de Alain Corbin, qui a été un des premiers ouvrages à mettre l'accent sur cette question-là, Séverine Yatin. Et donc le parfum, dans ce contexte-là, Eugénie Brieux, n'est plus attribut de séduction, par exemple. Il ne faut pas que ce soit un parfum ou un peu outrageant, ostentatoire. C'est la discrétion. Et à qui s'adresse-t-on ? On s'adresse à la femme mariée, souvent, qui doit séduire, plaire à son mari grâce à sa bonne odeur. Exactement. Donc ce parfum, il est légitimé par l'hygiène. Il faut bien comprendre que dans le climat intellectuel, culturel du christianisme, le parfum est un produit très ambivalent. Parce qu'il est artificiel. Parce qu'il est artificiel, parce qu'il est finalement, vraiment d'un point de vue anthropologique, c'est le produit qu'on destine aux dieux, qu'on destine... On en parlera demain dans notre émission consacrée justement aux religions et aux parfums. Voilà, donc c'est un produit dont la fonction légitime, c'est de communiquer avec les dieux. L'utiliser pour communiquer avec les hommes et les femmes du monde dans lequel on évolue, c'est un péché pour l'imaginaire chrétien. Et c'est le geste de Marie-Madeleine qui est très important dans cet aspect-là, parce qu'elle sacrifie au pied du Christ ses parfums de pécheresse. Donc elle légitime ce seul usage religieux du parfum. Donc au XIXe siècle, encore, c'est assez présent à l'esprit des contemporains. Utiliser des parfums pour séduire, c'est quelque chose qui est transgressif, qui est encore nimbé d'une aura de péché, qui sent un petit peu le soufre. Et au contraire, utiliser des parfums pour être propre, c'est une vertu sociale qui s'exprime. Donc, utiliser des cosmétiques parfumés, c'est une façon de légitimer le parfum en mettant sur le compte de l'hygiène son usage. Et utiliser des parfums trop violents, trop odorants, c'est au contraire se distinguer négativement. Oui, Rosine Leroux, tout de même, ce paradoxe, voire cette hypocrisie qui vient d'être décrite par Eugénie Brieux, ne va pas empêcher l'explosion de l'usage du parfum à la fin du XIXe siècle et l'explosion aussi de la palette des senteurs. Il y a la chimie qui va entrer en ligne de compte et qui va changer considérablement ce que l'on peut proposer aux clients et aux clientes des parfumeurs que vous connaissez bien, Rosine Leroux. Oui, alors la chimie de synthèse permet du coup de démultiplier les palettes olfactives par le biais de mélange, et le parfumeur devient progressivement un artiste en fait, qui tel un peintre en fait va mélanger sa palette et procurer des odeurs de plus en plus spécifiques, de plus en plus originales. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les noms de parfums changent, évoluent. Et notamment, donc, par exemple, Guerlain va à la fin du 19e siècle commencer à associer, en fait, un nom de parfum original à un contenant original et pour produire des produits de plus en plus, spécifiques. Donc, on invente des noms, on invente des marques d'une certaine façon ou des sous-marques à l'intérieur d'une marque de parfum. On va inventer des gammes qui auront chacune un nom particulier et qui permettront justement que le client de plus en plus lointain souvent s'y reconnaisse. Voilà, donc par exemple, Roger Gallet, autour d'une molécule de synthèse, en fait, va développer une gamme qui évoquera l'odeur de la violette, en fait, qui s'appelle Vera Violetta, en fait. Il va déposer toute une série de marques, y compris des marques de barrage, qui consistent à déposer, par exemple, je dis n'importe quoi, Violettis, Violetto, pour pas être pris, pour que les marques ne soient pas prises. Donc, il va déposer toutes les marques et il va, en fait, après, déployer toute une gamme de produits, du savon jusqu'à l'extrait de parfum, Vera Violetta, et ça sera un des très grands succès de cette marque. Je voulais juste revenir sur l'ambiguïté en fait qu'il y a dans les parfums, et pour signaler qu'il y avait à la fin du 19e siècle une déposante qui s'appelait Nathalie Lévy-Fanipou qui a déposé une eau de la Madeleine pour les cheveux, et également un parfum qui a suscité beaucoup d'ironie de Guerlain qui s'appelait Le Jardin de mon curé, sur lequel des humoristes ont beaucoup joué sur l'ambiguïté. Ça, on imagine. Voilà. pour dire qu'on pouvait également jouer sur ces notions-là, quoi, de sacré et de... Eugénie Briot. Oui, le nom du parfum est très important parce que finalement, on est face à un produit, un des seuls, dont on ne puisse pas avoir la perception à distance. On peut difficilement faire connaître le parfum, le faire sentir. Les solutions d'échantillonnage ne sont pas complètement au point à l'époque. Donc, il faut en parler. Et c'est la presse qui pourra en parler. La communication passe par le mot. Et le fait de choisir un nom particulier et de l'attribuer uniquement à une marque et pas à une autre permet de le rendre unique aux yeux du client et de pouvoir en parler dans la presse. Donc on trouve dans la presse ce qu'on appelle des faits paris. Ce sont des anecdotes mondaines qui sont rapportées, souvent tout à fait fictives. Et on vous explique avec... Elles sont inventées, vous voulez dire ? Elles sont souvent inventées. En tant qu'historienne, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit dans ces rubriques-là. Pas nécessairement. Et elles ont pour vocation de raconter avec force détail que, au bal de la comtesse Tiphaine de Milly, baronne Marie-Louise de Lorraine portait le parfum aux violettes du tsar d'Orisa le Grand et pas un autre sur un mouchoir de chaperon. Donc le nom de la marque apparaît pour distinguer le produit et si ce nom c'est Violette des Bois, on ne pourra pas vraiment le mémoriser comme étant parfaitement unique. Et puis des parfumeurs comme Guerlain ajoutent à cette idée publicitaire l'idée aussi qu'il faut ne jamais céder sur la qualité. Il en fait aussi publicité, j'imagine, pour justement que son parfum soit choisi par un tel princesse ou voilà, il y a vraiment les deux ressorts qui jouent, avec effectivement la caution scientifique, qui est toujours très importante, et la caution aristocratique, qui va hisser le produit parmi les plus hautes sphères de la société de l'époque, et puis, par capillarité, les gens vont vouloir s'attribuer toute l'aura de cette aristocratie élégante à travers le produit qu'elles utilisent. Et quoi de plus aristocratique, après César Birotteau, que le dessin de Joris Carl Luitzmans dans son À rebours. Nous sommes en 1884 et évidemment, Des Esseintes fait des essais à l'intérieur de son propre appartement et devient une sorte d'artiste parfumeur. Elsa Dupuis. Des Esseintes voulut vagabonder dans un surprenant et variable paysage et il débuta par une phrase sonore, ample, ouvrant tout d'un coup une échappée de campagne immense. Avec ses vaporisateurs, il injecta dans la pièce une essence formée d'ambroisie, de lavande de Mitcham, de pois de senteur, de bouquet. Une essence qui, lorsqu'elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu'on lui décerne d'extrait de pré fleuri. Puis, dans ce pré, il introduisit une précise fusion de tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'amandes. Et aussitôt, d'artificiels lilas naquirent, tandis que des tilleuls s'éventèrent, rabattant sur le sol leurs pâles émanations que simulait l'extrait du Tilia de Londres. Ce décor posé en quelques grandes lignes fuyant à perte de vue sous ses yeux fermés, il insuffla une légère pluie d'essences humaines et quasi félines, sentant la jupe, annonçant la femme poudrée et fardée. Le Stéphanotis, la Yapana, l'Opoponax, le Chypre, le Champaca, le Sarcantus, sur lesquels il juxtaposa un soupçon de seringa afin de donner dans la vie factice du maquillage qu'il dégageait un fleur naturel de rires en sueur, de joies qui se démènent au plein soleil. Ensuite, il laissa par un ventilateur s'échapper ses ondes odorantes, conservant seulement la campagne qu'il renouvela et dont il força la dose pour l'obliger à revenir ainsi qu'une ritournelle dans ses strophes. Les femmes s'étaient peu à peu évanouies, la campagne était devenue déserte. Alors, sur l'horizon enchanté, des usines se dressèrent, dont les formidables cheminées brûlaient à leur sommet comme des bols de punch. Un souffle de fabrique, de produits chimiques passait maintenant dans la brise qu'ils soulevaient avec des éventails, et la nature exhalait encore dans cette purulence de l'air ses doux effluves. Des Esseintes maniait, échauffait entre ses doigts une boulette de styrax, et une très bizarre odeur montait dans la pièce. Une odeur tout à la fois répugnante et exquise, tenant de la délicieuse senteur de la jonquille et de l'immonde puanteur de la gutta percha et de l'huile de houille. Il se désinfecta les mains, inséra en une boîte hermétiquement close sa résine, et les fabriques disparurent à leur tour. Alors il darda parmi les vapeurs ravivées des tilleuls et des prés quelques gouttes de New Mound Hay, et au milieu du site magique momentanément dépouillé de ses lilas, des gerbes de foin s'élevèrent, amenant une saison nouvelle, épandant leur fine effluence dans l'été de ses senteurs. Voilà pour ce fabuleux texte de À rebours de Huysmans. Le chapitre 10 de À rebours est entièrement consacré justement à cette question du parfum. Nous sommes en 1884 et évidemment, le parfumeur, ou du moins des essaims de s'essayant au parfum, devient un peintre. Il peut faire naître, grâce aux odeurs, tous les paysages qu'il souhaite avoir sous les yeux. Voilà, et on voit tout le chemin parcouru depuis César Birotteau. César Birotteau était un commerçant. Guerlain était présenté dans son prospectus comme un scientifique. Et puis, à la fin du 19e siècle, parce que la palette du parfumeur s'est énormément élargie, parce que des matières premières nouvelles sont accessibles grâce à des traitements différents, parce que les colonies ont permis d'aller à la découverte de fleurs qui étaient inexploitées jusqu'alors, et parce que la chimie a apporté à travers les ingrédients synthétiques une créativité nouvelle, les représentations se déplacent et du parfumeur commerçant, on passe au parfumeur artiste. Le parfumeur est un démiurge, c'est un créateur. Il crée des mondes. Et c'est ça qui devient important. Et c'est la valeur du produit va être déplacée, elle aussi, sur ce terrain artistique. On vend une valeur esthétique et plus simplement une valeur intrinsèque, hygiénique. Parce que de manière pratique, Eugénie Briot, en fait, le parfumeur parisien, par exemple, il va créer ses odeurs, mais il ne peut pas toutes les créer non plus. Il achète aussi, justement, des senteurs qu'il va mêler et ensuite associer les unes aux autres pour créer son parfum. Le métier évolue de façon très radicale en fait à cette époque-là parce que depuis l'Antiquité et jusqu'au début du 19e siècle, le parfumeur doit s'occuper à la fois de l'approvisionnement et bien souvent aussi du traitement des matières premières. Petit à petit, c'est le cas de César Birotteau avec son huile de noisette. Petit à petit, tout au long du 19e siècle, des sociétés se créent dont le métier est vraiment de traiter les matières premières. Donc, ce sont des sociétés. Il y a une chaîne de production qui se met en place. Une chaîne de production se met en place avec des entreprises comme Roure en 1820, Chiris dès 1768, qui, à Grasse, vont proposer un traitement des matières premières et les mettre à disposition des parfumeurs parisiens pour qu'eux-mêmes créent leurs produits à partir de ces matières-là. Les synthétiques interviennent à la fin du siècle, Givaudan, Firmenich, à partir de 1895. Donc la palette s'étend énormément et le métier de parfumeur se spécialise et petit à petit devient celui seulement du créateur qui va jouer avec cette palette extrêmement vaste et exercer un talent créatif qui va être le signe distinctif de la qualité. Oui, et Rosine Lheureux, on peut dire aussi que ces années 1880 sont des années de très grandes conquêtes géographiques et coloniales, et que les colonies vont jouer un rôle aussi, ou on va leur faire jouer un rôle dans cet élargissement de la palette. On ne se fournira plus en ylang-ylang dans les Philippines, par exemple. On va essayer d'en fabriquer soi-même dans les propres colonies françaises pour pouvoir être indépendant, avoir ses propres réseaux d'approvisionnement, et peut-être là aussi créer de nouvelles senteurs, Rosine Lheureux. Oui, alors en fait, on développe des grands domaines de production en Algérie, par exemple, mais également, en fait, certains parfumeurs s'étendent dans des endroits non coloniaux, disons, comme la Bulgarie, et puis effectivement, d'autres parfumeurs continuent à importer de très loin, notamment, vous parliez d'Ylang-Ylang, donc la maison Rigaud, qui est une énorme maison de parfumerie, mais également de droguerie et de pharmacie, qui est un empire pharmaceutique, en fait, en quelque sorte, à l'époque, comme la maison Raspail, du reste. Cette maison Rigaud se fait fort d'aller chercher des parfums extrêmement loin, et notamment, comme vous le disiez, d'Ylang-Ylang aux Philippines. Oui, on peut dire, Eugénie Briot, que cette fin de 19e siècle voit s'installer ce que nous connaissons aujourd'hui, d'une certaine façon. Il n'y a pas encore le numéro 5 de Chanel sur lequel vous avez écrit dans l'histoire mondiale de la France, mais il y a déjà les grandes maisons, on a cité les noms, Roger Gallet, Guerlain, Bourgeois sont déjà là, et aussi les grands fournisseurs dont vous avez dit les noms, Chiris ou Roure à Grasse, tout est déjà prêt pour pouvoir justement faire ce que sera la parfumerie du XXe siècle et encore du XXIe siècle peut-être. Exactement, c'est vraiment le XIXe siècle qui met en place les enjeux de la parfumerie d'aujourd'hui et la structure du marché actuel, avec une palette dont l'intérêt des matières premières est très important, et aujourd'hui encore on continue à travailler sur l'élargissement de cette palette, sur la qualité de cette palette, et puis une distinction qui se fait par le talent créatif du parfumeur et non plus par la qualité hygiénique du produit. Donc ces enjeux-là, ils se mettent en place dès le 19e siècle, et la seule petite chose qui manque encore à cette époque-là au marché, c'est effectivement l'entrée des couturiers sur le terrain des parfumeurs, qui intervient à partir des années 1910 avec Paul Poiret, Paul Poiret appelle ses parfums les parfums de Rosine, donc il ne leur donne pas encore son nom de couturier. Et il ne fait pas rejaillir l'image de sa maison de couture sur ses produits. C'est une erreur marketing que ne commettra pas Gabrielle Chanel. Elle comprend d'emblée que le nom Chanel rayonne suffisamment pour porter ce parfum dont il est difficile, on l'a dit tout à l'heure, de faire sentir le produit à distance. Et donc Chanel appelle son produit numéro 5. Elle l'associe à sa marque, et c'est vraiment la clé du développement d'une industrie entièrement nouvelle autour d'un travail autour de l'image et de l'histoire que le parfum raconte. Mais un talent de créateur, Eugénie Brio, qui reste aussi extrêmement secret, parce qu'on sait par exemple que les nez, donc ceux qui créent justement les parfums, ne sont pas des personnalités que l'on voit beaucoup. Il y en a très peu. Il n'y a pas d'école non plus, comme l'œnologie par exemple, pour apprendre à devenir justement un créateur de parfums, un grand créateur de parfums. Alors, il n'y a pas effectivement, il y a des structures qui universitaires ou des écoles qui existent pour préparer au métier de la parfumerie, de façon assez vaste, mais pas spécifiquement au métier de parfumeur, qui requiert une formation très longue et vraiment une expertise très spécifique. Et donc finalement, ce sont les maisons dont on a parlé tout à l'heure, Roure, Givaudan notamment, qui vont internaliser la formation des parfumeurs et en faire une compétence spécifique et clé de leur domaine à partir de la Seconde Guerre mondiale. L'école Givaudan est fondée en 1946 et c'est le début d'une ère nouvelle effectivement pour Merci les maisons beaucoup. De composition. Merci Eugénie Brio, on aura tout intérêt à vous lire, ainsi que Rosine Lheureux. Pour votre part, c'est La Fabrique des Parfums, naissance d'une industrie de luxe chez Vendémiaire. Et pour vous, Rosine Lheureux, Une histoire des parfumeurs, France 1850-1910 chez Champvallon. Merci également à Elsa Dupuis qui a lu les textes pour nous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Yannis Djoudad était aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous terminerons cette série d'émissions consacrée aux parfums et aux odeurs en nous interrogeant sur le rapport justement entre ces parfums et les divinités ou les religions. On parlera christianisme et islam, mais également Grèce antique.